Leçon 2. Activité 2A. Écoutez les mots suivants et indiquez d'une croix le son que vous entendez. On, comme Simon. On, comme Simone. Ou homme, comme pomme. Exemple. Don, donne. 1. Monde. 2. Étonne. 3. Commune. 4. Domicile. 5. Complexe. 6. Plomb. 7. Téléphone. 8. Blond.